les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Petite figurante anonyme ou célébrissime tragédienne, elle avait joué dans la plupart des pièces de Racine, et même une fois avec une grande barbe. Prestige du théâtre, première diffusion sur la chaîne nationale le 9 juin 1953. La radiodiffusion française présente Prestige du théâtre, une émission de la Société d'histoire du théâtre. Sarah Bernard, la fille de Minos et de Pasiphaé. Avec Henri Roland de la Comédie Française, le comédien, Léon Chancerel, Sébastien le secrétaire, et Lucienne Letondal, la jeune comédienne. Texte de Léon Chancerel. Au cours de cette émission, vous entendrez une scène de Mithridate de Jean Racine, avec le concours de Paul-Émile Débert et Annie Ducot de la Comédie Française. Réalisation René Guignard. Pour toute une génération, Sarah reste l'inoubliable interprète de Phèdre. Il convient donc, après la conjonction Hugo-Sarah, d'étudier la conjonction Racine-Sarah. Oui, mais d'abord nous devons nous excuser. De quoi ? Mardi dernier, dans la hâte qu'avait Sébastien d'évoquer nos souvenirs de Sarah dans Angelo, nous avons complètement oublié un autre drame en prose de Hugo que Sarah avait eu l'audace de monter et où elle fut admirable. Ah oui, Lucrèce Borgia. Lucrèce Borgia. Eh bien, vous annoncez une nouvelle. C'est que vous êtes tous empoisonnés, mes seigneurs. Oui. Ben, n'en rie pas. On avoue qu'il y a de quoi. Oui, quand on lance la fameuse tirade sur le ton mélodramatique... Et en rugissant comme tu viens de le faire, comme le faisaient d'ailleurs beaucoup de celles qui jouèrent le rôle. On peut sourire, mais quand Madame Sarah la disait, cette tirade, je t'assure qu'on ne riait pas. Est-ce vrai, Sébastien ? Non, tremblait. Oui, d'abord, au lieu d'entrer, comme l'indique le texte, vêtue de noir, elle apparaissait dans une robe d'or. Et toute cette tirade emphatique et déclamatoire, qui, je te l'accorde, peut friser le ridicule, elle la disait, elle la jouait en souriant. Avec une ironie légère, comme s'il s'agissait d'une bagatelle sans importance, une gracieuse cruauté de chatte qui joue avec sa proie. Quelle leçon magnifique pour le jeune que j'étais alors. J'ai encore son rythme et ses intonations dans l'oreille. Bon, maintenant que nous sommes en règle avec Victor Hugo, fermons la parenthèse réparatrice et changeons de climat. Racine. Vas-y, Sébastien. Dans le livre que Lisiane Bernard a consacré à sa grand-mère, nous voyons que ce fut Alexandre Dumas. L'auteur de La Dame aux Camélias. Ah non, son père. À l'auteur des Trois Mousquetaires. Oui, et de nombreux drames, tels que Mademoiselle de Belle-Île et Kin, où Sarah connut un de ses premiers succès dans le rôle d'Anna Dambi. Ce fut Alexandre Dumas, le père, qui le premier guida Sarah dans sa découverte de Racine. Sarah avait 18 ans, comme tu le sais, sa mère, ses tantes, et les puissants amis de sa mère et de ses tantes, avaient décidé que la jeune fille ferait du théâtre et qu'elle se présenterait au concours d'admission du conservatoire. Alors, voilà le charmant croquis que la petite fille de Sarah a tracé de cette leçon d'Alexandre Dumas. C'est joli. Si tu veux même, nous allons la lire ensemble. Oui. Hein. Bon. Alors voilà, c'est Sarah qui... La petite Sarah. Il est inutile, monsieur Dumas, que vous perdiez votre temps. Il est impossible d'améliorer ma manière de prononcer les mots ni de changer la forme de ma bouche et celle de mes mâchoires. Mes professeurs essayent chaque jour de me faire prononcer les T et les D, prétendant que je n'ouvre pas assez les lèvres, et ils m'apprennent pour cela des phrases idiotes, s'étonnant que je ne les dise pas correctement. Mais comment voulez-vous, monsieur, que je mette du sentiment en répétant un très gros rat dans un très gros trou pour ouvrir les airs, ou combien c'est six saucissons six pour ne pas siffler les S, ou petit papa, petit pipi, petit popo pour me rapetisser la bouche. Ma chère enfant... Je suis venu te faire travailler un texte classique. Il suffit que ta diction soit correcte. Ne nous occupons pas d'autre chose. Oh, merci. Avec vous, j'apprendrai n'importe quoi. Alors, la puissante carrure de Dumas débordait sur la chaise de paille, et quand le célèbre romancier marchait dans la chambre verte, il ressemblait à un gros poisson enfermé dans un aquarium. Tu vas étudier le rôle d'Aricy, dans Phèdre. Je vais te donner aujourd'hui les premières notions, puis tu mâcheras ton texte en te le mettant bien dans la tête. Et puis, tu penseras qu'Aricy est une jeune fille timide, douce, bien élevée, amoureuse du bel Hippolyte, tu vois. Ce fut ainsi qu'Alexandre Dumas donna à la petite Sarah sa première leçon. interprétant lui-même tous les rôles, Hippolyte, Théramène, Phèdre et même Énone. Enfin, tout à son action, il gesticulait, frappait sur la table, enflait la voix. Et la triste Aricie lui donnait la réplique d'une voix si mélodieusement timbrée que le romancier ne pouvait s'empêcher d'écouter cette source. « Une source, mon petit, une source qui court et saute sur des galets d'or. Mais attention à la monotonie, petite. Ne laisse pas tomber la fin de tes vers. Garde le rythme, apprends à respirer. Surtout quand tu vois que le point final est assez loin. Garde ton souffle pour ne pas mourir sur le dernier mot d'une période, comme une asthmatique, hein ? Alors, vas-y, recommence. » Et patiente, docile, attentive, Sarah recommençait. Voilà. « Vous viendrez demain, monsieur Dumas. Je voudrais que vous me fassiez travailler une fable de mon cher La Fontaine. Nous crierons moins et maman préférera cela. Bah, »« Si tu veux, petite, mais ce n'est point l'usage pour les examens du conservatoire. Dis-moi, Sarah, tu es vraiment décidée à faire du théâtre ? » ?»« Oh, monsieur Dumas, vous n'allez pas m'abandonner. » Et comment souffrez-vous que d'horribles discours d'une si belle vie osent noircir le cours ? Sacré gamine, va. Allons, au revoir, ma petite étoile. Au revoir, monsieur mon grand soleil. Tu vois ça ? Oh. Et vous m'avez fait taire tout à l'heure à propos de La Fontaine et du conservatoire. Oui, parce que tu arrives. Oui, mais je m'excuse, mais ça m'a semblé si drôle. Parce que c'est pourtant La Fontaine qui fit admettre la grande Sarah au conservatoire. Avec la fable des deux pigeons. Tu ne savais pas ça ? Non. Oh, mais ça a été raconté partout. Bon, allons-y. La première tragédie de Racine que joua Sarah à l'Odéon, ce fut Andromaque, 15 août 1866. Elle jouait Andromaque ? Non. Hermione ? Mais non. Et non, pas encore, elle jouait... Elle jouait ses filles, à moins que ce ne soit Cléone, je ne sais plus exactement. Une des confidentes, une panne, quoi. Oui, elle y fut, dit-on, tout à fait médiocre, hein. Et ce n'est qu'en 1873... qu'elle joua pour la première fois Hermione à la Comédie Française. Avec Mounet Sully. Et en 1903, 30 ans après, sur son théâtre, elle reprend la tragédie de Racine avec De Max dans Oreste. Il faut aussi rappeler que Sarah, toute jeune, joua Mithridate. Eh oui, tout à ses débuts à l'Odéon. Elle eut dans Mithridate du succès. Ce fut même un de ses tout premiers succès. Mais il est vraiment difficile, à travers les critiques de l'époque, seulement de se faire une idée de la façon dont elle pouvait jouer Monime. C'est dommage. Ben oui. Parce qu'il serait intéressant de savoir si elle était restée dans la tradition de la Champmêlée ou bien dans celle de la Clairon. Oui. La Clairon, dans ses mémoires, a dit sa conception du rôle et j'imagine que ce devait être aussi celui de Sarah Bernhardt. Tu connais ce passage ? Non. Non, ben il est célèbre pourtant. L'actrice qui croirait pouvoir se permettre dans le rôle de Monime le moindre emportement dans ses sons, sa physionomie, sa démarche, ses gestes, ferait la plus énorme faute. Ce rôle est un des plus nobles et des plus touchants qui soit au théâtre, mais je l'ai vivement éprouvé, c'en est un des plus difficiles. Sans cri, sans emportement, sans moyen d'arpenter le théâtre, d'avoir des gestes décidés, une physionomie variée, imposante, il paraît impossible de sauver ce rôle de la monotonie qu'il offre au premier aspect. Ces secours aideraient l'actrice, mais ils seraient autant de contresens pour le personnage. Rachel, je crois, a joué Monime. Oui, plus de 50 fois dans les premiers mois de ses débuts. Et un contemporain a écrit qu'on craignait qu'elle ne puisse soutenir sur la scène une tragédie que depuis longtemps le talent des plus grands acteurs avait en vain essayé d'y faire revivre d'une manière durable. C'est pourtant ce que la Comédie Française a courageusement tenté. Et réussi. On ne saurait trop la remercier d'avoir redonné vie à cette tragédie trop longtemps oubliée dont Madame de Sévigné écrivait. On y pleure, on y est dans une perpétuelle admiration, on la voit 30 fois, on la trouve plus belle qu'à la première. Je suis de l'avis de Madame de Sévigné. C'était aussi l'avis de Louis XIV, si l'on en croit le journal de Dangeau. Et comme c'est aussi le mien... Oh, c'est le nôtre. Eh bien, nous allons nous donner le plaisir d'en réentendre une fois encore une scène grâce à Annie Ducot et Paul-Émile Débert qui ont bien voulu répondre à nos voeux. Si vous voulez, nous prendrons la scène 6 de l'acte 2. Mithridate vient d'apprendre la trahison de son fils Pharnace. Il a donné à son autre fils, Xipharès, l'ordre de veiller sur Monime. Que dirais-je, madame ? Et comment dois-je entendre cet ordre, ce discours que je ne puis comprendre ? Serait-il vrai, grand Dieu, que trop aimé de vous, Pharnace eût en effet mérité ce courroux ? Farnace aurait-il part à ce désordre extrême? Farnace? Oh, ciel! Farnace! Ah, qu'entends-je moi-même? Ce n'est donc pas assez que ce funeste jour à tout ce que j'aimais m'arrache sans retour, et que de mon devoir esclave infortuné, à d'éternels ennuis je me vois enchaîné. Il faut qu'on joigne encore l'outrage à mes douleurs. À l'amour de Farnace, on impute mes pleurs, malgré toute ma haine, on veut qu'il m'ait supplère. Je le pardonne au roi qu'aveugle sa colère, et qui de mes secrets ne peut être éclairci. Mais vous, Seigneur, mais vous me traitez-vous ainsi? Ah, madame, excusez un amant qui s'égare, qui lui-même, lié par un devoir barbare, se voit près de tout perdre et n'ose se venger. Mais des fureurs du roi que puis-je enfin juger? Il se plaint qu'à ses vœux un autre amour s'oppose. Quel heureux criminel en peut être la cause? Qui? Parlez! Vous cherchez, prince, à vous tourmenter. Plaignez votre malheur sans vouloir l'augmenter. Je sais trop quel tourment je m'apprête moi-même. C'est peu de voir un père épouser ce que j'aime. Voir encore un rival honoré de vos pleurs, sans doute, c'est pour moi le comble des malheurs. Mais dans mon désespoir, je cherche à les accraître. Madame, par pitié, faites-le-moi connaître. Quel est-il, cet amant? Qui dois-je soupçonner? Avez-vous tant de peine à vous l'imaginer? Tantôt, quand je fuyais une injuste contrainte, à qui, contre Farnace, ai-je adressé ma plainte? Sous quel appui, tantôt, mon cœur s'est-il jeté? Quel amour ai-je enfin sans colère écouté? Oh, ciel! Quoi? Je serai ce bienheureux coupable que vous avez pu voir d'un regard favorable. Vos pleurs pour Xipharès auraient daigné couler. Oui, prince, il n'est plus temps de le dissimuler. Ma douleur pour se taire a trop de violence. Un rigoureux devoir me condamne au silence. Mais il faut bien enfin, malgré ces dures lois, parler pour la première et la dernière fois. Vous m'aimez dès longtemps. Une égale tendresse pour vous depuis longtemps m'afflige et m'intéresse. Songez depuis quel jour ces funestes appâts firent naître un amour qu'ils ne méritaient pas. Rappelez un espoir qui ne vous dura guère, le trouble où vous jeta l'amour de votre père, le tourment de me perdre et de le voir heureux. Les rigueurs d'un devoir contraire à tous vos vœux, vous n'en sauriez, Seigneur, retracer la mémoire ni compter vos malheurs, sans compter mon histoire. Et lorsque ce matin j'en écoutais le cours, mon cœur vous répondait tous vos mêmes discours. Inutile, ou plutôt funeste sympathie, trop parfaite union par le sort démentie. Ah, par quel soin cruel le ciel avait-il joint deux cœurs, que l'un pour l'autre il ne destinait point. Car quel que soit vers vous le penchant qui m'attire, je vous le dis, Seigneur, pour ne plus vous le dire, ma gloire me rappelle et m'entraîne à l'autel où je vais vous jurer un silence éternel. J'entends, vous gémissez, mais telle est ma misère. Je ne suis point à vous. Je suis à votre père. Dans ce dessein, vous-même, il faut me soutenir. Et de mon faible cœur m'aider à vous bannir. J'attends du moins, j'attends de votre complaisance que désormais, partout, vous fuirez ma présence. J'en viens de dire assez pour vous persuader que j'ai trop de raisons de vous le commander. Mais après ce moment, si ce cœur magnanime d'un véritable amour a brûlé pour mon hymne, je ne reconnais plus la foi de vos discours. au soin que vous prendrez de m'éviter toujours. Quelle marque, grand Dieu, d'un amour déplorable! Combien en un moment heureux et misérable! De quel comble de gloire et de félicité, dans quel abîme affreux vous me précipitez! Quoi, j'aurais pu toucher un cœur comme le vôtre, vous aurez pu m'aimer, et cependant un autre possédera ce cœur dont j'attirai les vœux. Père injuste, cruel! Mais d'ailleurs malheureux, vous voulez que je fuie et que je vous évite? Et cependant, le roi m'attache à votre suite. Que dira-t-il? N'importe, il me faut obéir. Inventer des raisons qui puissent l'éblouir d'un héros tel que vous. C'est là l'effort suprême. Cherchez, prince, cherchez pour vous trahir vous-même. Tout ce que pour jouir de leur contentement l'amour fait inventer aux vulgaires amants. Enfin, je me connais, il y va de ma vie. De mes faibles efforts, ma vertu se défie. Je sais qu'en vous voyant, un tendre souvenir peut m'arracher du cœur quelque indigne soupir, que je verrai mon âme en secret déchirée, revoler vers le bien dont elle est séparée. Mais je sais bien aussi que s'il dépend de vous de me faire chérir un souvenir si doux, vous n'empêcherez pas que ma gloire offensée n'en punisse aussitôt la coupable pensée, que ma main dans mon cœur ne vous aille chercher pour y laver ma honte et vous en arracher. Que dis-je, en ce moment, le dernier qui nous reste. Je me sens arrêté par un plaisir funeste. Plus je vous parle, et plus trop faible que je suis, je cherche à prolonger le péril que je fuis. Il faut se faire violence. Et sans perdre un adieu, un reste de constance, je fuis. Souvenez-vous, prince, de m'éviter. Et méritez les pleurs que vous m'allez coûter. Suave, belle et chaste monime. Merci, chère Annie Ducourt. Merci, mon cher bébé. Oh oui, et de tout cœur. Mais Sarah, c'est Sarah Bernard et non Racine le sujet de cet entretien. Oui, bien sûr, c'est les héroïnes de Racine que Sarah incarne. Phèdre. Ah, Phèdre en tout premier lieu. La voix de Sarah dans Phèdre. Ah, hélas. N'y a-t-il pas des disques? Nous les avons écoutés, Sébastien et moi, et vraiment, non, vraiment, il ne faut pas. C'est une trahison, on ne savait pas enregistrer à cette époque. Non, c'est une caricature douloureuse. Oh, oui, une imitation de Sarah par Foutit, le clown du Nouveau Cirque, a justement écrit notre ami Roger Gaillard dans son livre de souvenirs, 30 ans ou la vie d'un joueur. Non, crois-moi, pas de disque. Et nous allons essayer de retrouver ce que put être l'interprétation de Sarah d'après ce que ses contemporains et elle-même en ont dit. Et d'après nos propres souvenirs quand elle reprit le rôle en 1912, oui. Mais d'abord, si tu veux bien, rappelons les circonstances dans lesquelles Sarah Bernard aborda pour la première fois le rôle. Comédie française, 21 décembre 1874. À ce moment-là, Sarah menait en dehors du théâtre une vie de plus en plus désordonnée, courte et bonne. Elle crachait le sang à pleine cuvette, le disait-elle. Enfin, c'était une espèce, en tout cas, de furie, de destruction. Et soudain, Perrin, qui était alors administrateur de la Comédie française, décida de reprendre Phèdre pour l'anniversaire de la mort de Racine et de confier le rôle de Phèdre à Sarah. Alors Sarah se reprend de passion pour le travail. Phèdre. Mais on l'avait prévenu 3 jours avant la date de la représentation. Oh, c'est pas possible. Si, en 3 jours. Oh. Elle apprend ou réapprend le rôle en 3 jours et 3 nuits de fièvre lucide. Et ce fut un triomphe. Au lendemain de la première, Francisque Sarcey écrivait « Elle a forcé les vieux connaisseurs à admettre qu'au second acte, elle égalait le souvenir de Rachel. » Phèdre a mis le sceau sur une réputation qui désormais est devenue la gloire. Et Sarcey écrira plus tard, on ne peut pas la louer de savoir dire les vers, c'est la muse. La poésie elle-même. Un secret instinct la pousse, elle récite les vers comme le rossignol chante, comme le vent soupire, comme l'eau murmure. Oh. Grand miracle. Francisque Sarcey en était devenu poète. Vous l'avez vu jouer Phèdre? Mais oui. Sarcey, non. Oh non, Sarah. Mais bien sûr. Hein. Oui, en 1912. Mais elle avait quel âge? Elle avait alors près de 60 ans. Mais sans souvenir. Ah, inoubliable. Je ne sais qui a écrit un filtre d'amour florentin dans une urne grecque. Mais c'est cela, c'est parce que, il voulait dire par là, c'était une espèce d'incantation. Jules Lemaître, qui lui l'avait vu avant, en 1893, guerre de la Renaissance. Jules Lemaître avait écrit un long article, un admirable article. J'en ai extrait quelques passages caractéristiques. Regarde ça. Jamais, je crois, Madame Sarah Bernhardt ne fut plus parfaite, ni plus puissante, ni plus adorable que dans le rôle de Phèdre, dimanche dernier, à la Renaissance. Jamais femme ne parut plus belle aux yeux d'une foule assemblée, ni d'une beauté à la fois plus plastique et plus spirituelle. Jamais artiste ne traduisit par une mimique plus inventée et plus harmonieusement hardie, ni par une diction plus noblement et plus simplement expressive, et d'un charme ensemble plus poignant et plus enveloppant, un plus douloureux martyr de passion. Pas une nuance de torture amoureuse ou de désolation morale pour qui elle n'ait trouvé l'accent inattendu et pourtant le seul vrai. Oh, l'admirable crucifiement! Madame Sarah Bernhardt a été égale à ce rôle souverain, c'est tout dire, et il semblait qu'elle nous le révéla. Elle nous a donné une de ses impressions d'art par-delà lesquelles il n'y a rien. Pour moi, je me disais, me rappelant un vers de Vigny, « Aime ce que jamais on ne verra deux fois ». Il est admirable de penser que Sarah eut la géniale intuition de tout cela sans avoir rien lu de l'énorme littérature, des innombrables études à quoi donna lieu le personnage de Phèdre et l'importance de ce chef-d'œuvre dans l'orientation de la vie du poète de 38 ans qui subitement renonce au théâtre, à ses pompes et à ses œuvres. Ce que le maître admirait dans l'interprétation de Sarah, c'est que sa Phèdre était une Phèdre janséniste, une Phèdre humainement honnête, mais à qui Dieu, en l'espèce Minos, refuse le secours surnaturel. Et précisément, Sarah rendait si magnifiquement sensible cette fatalité, cette humiliation, cette horreur de soi-même. C'est tout le contraire d'une passionnée vulgaire, d'une névropathe en fureur, rien d'une forcenée, mais toujours lucide. Ah, comme elle murmurait sans respirer tout en les modulant les quatre vers. Un murmure ininterrompu de source, ces quatre vers dont on subissait le charme, sans en approfondir le pourquoi d'ailleurs. Hélas, ils se voyaient avec pleine licence, le ciel de leur soupir approuvait l'innocence, ils suivaient sans remords leur penchant amoureux, tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. Et cette façon bien à elle et bouleversante qu'elle avait de lancer à Œnone la fameuse apostrophe. Tu le savais. Ah oui, oh le tu le savais. Au lieu de le lancer à pleine voix furieusement, comme la plupart de ses devancières, elle marquait un grand temps, regardait Œnone, et laissait tomber lentement dans un souffle ces trois mots. Tu le savais. Ce calme apparent, cette plainte étonnée, devant la trahison d'Œnone, ce reproche douloureux, cette constatation de sa détresse, de sa solitude. C'était bien là cette transmutation magique. L'expression est de Thierry Mounier dans une longue étude qu'il a consacrée à Phèdre. Cette transmutation magique où la vie donne à la poésie tout ce qu'elle a de vivant, où la poésie donne à la vie tout ce qui est en elle supérieur et comme intolérable à la vie. Oui. La parfaite alliance de ce qu'il y a de plus réel, de plus charnel, de plus trouble dans les désirs du corps et du cœur, et de ce qu'il y a de plus inaltérable, de plus éternellement vierge dans le langage poétique. Oui, c'était beau, très beau. Ouais. Il est difficile, possible, et d'ailleurs c'est pas mon travail, il est difficile d'analyser et de discuter l'interprétation de Phèdre par Sarah Bernhardt. Beaucoup l'ont fait, bien ou mal, intelligemment ou sottement. Oui, mais un écrivain, selon moi, a traduit ce que moi-même, avec moins de lucidité, certes, j'ai éprouvé. C'est Marcel Proust. Marcel Proust? Oui, Marcel Proust. Ignores-tu que dans Guermantes, c'est Sarah Bernhardt qu'il décrit sous le nom de la Berma? Ou si tu préfères la Berma, c'est Sarah. Ah? Ce talent que je cherchais à apercevoir en dehors du rôle, Il ne faisait qu'un avec lui. Les intentions entourant comme une bordure majestueuse ou délicate la voix ou la mimique d'Aricide, d'Ismène, d'Hippolyte, j'avais pu les distinguer. Mais Phèdre se les était intériorisés. Et mon esprit n'avait pas réussi à arracher à la diction et aux attitudes, à appréhender dans l'avare simplicité de leurs surfaces unies ces trouvailles, ces effets qui n'en dépassaient pas tant ils s'y étaient profondément résorbés. La voix de la Berma, en laquelle ne subsistait plus un seul déchet de matière inerte et réfractaire à l'esprit, ne laissait pas discerner autour d'elle cet excédent de larmes qu'on voyait couler, parce qu'elle n'avait pu s'y imbiber sur la voix de marbre d'Aricie ou d'Ismène, mais avait été délicatement assouplie en ses moindres cellules, comme l'instrument d'un grand violoniste chez qui on veut, quand on dit qu'il a un beau son, louer non pas une particularité physique, mais une supériorité d'âme. Et comme dans le paysage antique où, à la place d'une nymphe disparue, il y a une source inanimée, une intention discernable et concrète s'y était changée en quelque qualité du timbre, d'une limpidité étrange, appropriée et froide. Les bras de la Berma, que les vers eux-mêmes, de la même émission par laquelle il faisait sortir sa voix de ses lèvres, semblaient soulever sur sa poitrine comme ces feuillages que l'eau déplace en s'échappant, son attitude en scène qu'elle avait lentement constituée, qu'elle modifierait encore, et qui était faite de raisonnements d'une autre profondeur que ceux dont on apercevait la trace dans les gestes de ses camarades, mais de raisonnements ayant perdu leur origine volontaire, fondu dans une sorte de rayonnement où il faisait palpiter autour du personnage de Phèdre des éléments riches et complexes, mais que le spectateur fasciné prenait non pour une réussite de l'artiste, mais pour une donnée de la vie. Ces voiles blancs eux-mêmes qui, exténués et fidèles, semblaient de la matière vivante et avoir été filés par la souffrance mi-païenne, mi-janséniste autour de laquelle ils se contractaient comme un cocon fragile et frileux, tout cela, voix, attitude, geste, voile, n'était autour de ce corps d'une idée qu'est un ver, corps qui, au contraire des corps humains, n'est pas devant l'âme comme un obstacle opaque qui empêche de l'apercevoir, mais comme un vêtement purifié, vivifié, où elle se diffuse et où on la retrouve, que des enveloppes supplémentaires qui, au lieu de la cacher, rendaient plus splendidement l'âme qui se les était assimilée et s'y était répandue, que des coulées de substances diverses devenues translucides, dont la superposition ne fait que réfracter plus richement le rayon central et prisonnier qui les traverse, et rendre plus étendue, plus précieuse et plus belle la matière imbibée de flamme où il est engainé. Telle l'interprétation de la Berma était autour de l'œuvre, une seconde œuvre, vivifiée aussi par le génie. Par le génie de Racine. Si tu veux, nous en resterons sur cet admirable texte de Proust ce soir. Nous en resterons là de nos propos sur la rencontre de l'enchanteresse avec l'œuvre du divin Racine. Mais les autres tragédies de Racine. Oh, ma pauvre enfant, nous ne pouvons tout dire. Britannicus, qu'elle joue à la Comédie-Française au début de sa carrière. Elle jouait Junie, alors, n'est-ce pas? Oui. Les étudiants venaient par bande du Quartier Latin pour l'acclamer. Et Esther? Ah, Esther, oui. Le cœur. Elle faisait le cœur des jeunes vierges de Sion à elle toute seule, au début. Athalie? Attendez, non, mais alors, ce qui est curieux pour Esther, c'est que plus tard, elle le reprit, alors dans son théâtre, elle était plus jeune, et elle avait eu cette idée qui est très juste, c'est que Esther... Il faut le jouer dans les conditions où ça a été créé, c'est-à-dire par des jeunes filles, comme à Saint-Cyr. Alors, il n'y avait que des femmes. Et elle jouait Assuérus. Oh. Oui, elle avait une barbe à crochet, une magnifique barbe blonde. Oh, que c'est drôle. Et alors, après ça, tu as parlé d'Athalie. Après ça, oui, Athalie. Ah oui, mais ça, si tu veux bien. Hein. Oui, nous en parlerons plus tard. Oui. Vous venez d'entendre Prestige du théâtre, une émission de la Société d'histoire du théâtre. Sarah Bernard, la fille de Minos et de Pasiphaé. Avec Henri Roland de la Comédie Française, le comédien, Léon Chancerel, Sébastien le secrétaire, et Lucienne Letondal, la jeune comédienne. Texte de Léon Chancerel. Au cours de cette émission, vous avez entendu une scène de Mithridate de Jean Racine, avec le concours de Paul-Émile Débert et Annie Ducot de la Comédie Française. Réalisation René Guignard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 9 juin 1953. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.